perturbation est actuellement indéterminée. Restez avec nous sur la première, on écoute maintenant Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Cette semaine, encore et toujours... Quand le prix du baril était au-dessus de 100 dollars, c'était fou. Le pétrole, c'est l'excrément du diable. Il existe en pratique assez peu d'exemples de pays pour qui la manne pétrolière a été une bénédiction. We are pursuing American energy dominance and by the end of this year... Oh, je vous en prie, épargnez-nous vos commentaires. Hein. Nos 3 litres de super, un point, c'est tout. Et le tien n'a pas la capacité de voir clair dans la comptabilité d'une grande société comme Esso. Ces acteurs financiers, c'est-à-dire ce sont des gens, ils n'ont jamais vu une goutte de pétrole. On voit ce pétrole qui sort du trou au fond. Et après, on lève la tête, on regarde autour de nous et on voit des bidonvilles qui n'ont pas d'électricité. L'importation de la benzine devient chaque jour plus difficile. Les réserves établies par la Suisse doivent être économisées. C'est une science, l'évaluation des réserves, mais c'est une science inexacte. Jean Crépu est réalisateur, il s'intéresse à l'histoire. Pour rappel, nous l'avions reçu pour des documentaires comme l'histoire secrète de l'archipel du Goulag ou encore les fantômes de Milaï. Jean Crépu ne s'intéresse pas qu'à l'histoire, il s'intéresse également à la science et je le sais depuis peu à certaines bactéries. Mais on n'en dira pas plus aujourd'hui parce qu'il a un dossier sous le coude qu'il s'apprête à tourner et il s'intéresse depuis fort longtemps aux denrées. Alors pour rappel, vous vous souvenez sans doute de Main basse sur le riz ou encore du dernier carré de chocolat. Et il nous revient avec une autre denrée, moins comestible cette fois, il faut bien le reconnaître, le brut, entendez par là le pétrole. Alors un premier extrait de son documentaire avant d'entendre la voix de son maître. Il y eut une époque où la voiture symbolisait la Dolce Vita, un monde d'insouciance où le plein d'essence ne valait rien et signifiait la liberté. Et puis l'insouciance a pris fin avec le choc brutal du prix du carburant. Chantage et menaces, l'or noir était devenu pour les pays producteurs une arme politique. Notre dépendance au pétrole allait nous coûter cher, avec le moment fatidique où les ressources pétrolières seraient épuisées. Nous allions devoir nous passer du pétrole. Mais c'était sans compter sur un incroyable concours de circonstances qui ouvre la voie à l'exploitation d'une gigantesque ressource pétrolière, le pétrole de schiste. Un boom d'une ampleur inédite qui propulse les États-Unis au rang des plus grands producteurs de pétrole. Les trois géants du pétrole, américains, russes et saoudiens, vont alors jouer une incroyable partie de poker. Pendant ce temps, la transition énergétique est en marche. Le pétrole règne encore en maître, mais n'appartient-il pas déjà à l'économie d'hier ? Voilà, Jean Crépu. Alors, faire le tableau contemporain du paysage pétrolier depuis les producteurs les plus récents, ceux qui l'extraient d'une certaine manière, en passant par les producteurs du passé, jusqu'aux consommateurs, c'est un paysage à l'évidence en totale transformation sur lequel vous avez porté votre caméra et votre attention. Oui, le pétrole m'intéressait depuis un petit moment, quand j'ai été plongé dans la marmite des matières premières, et je me suis dit, il y a quand même cette matière première emblématique qui fait tourner tout ça, qui est le pétrole, mais compte tenu du côté gigantesque de l'affaire, je n'arrivais pas à trouver une porte d'entrée qui... Comment raconter ça ? Comment raconter ça ? Et qu'est-ce qu'on peut bien raconter Et c'est en 2014-2015 où j'ai découvert que les prix du pétrole chutaient, alors que tout portait à penser qu'ils allaient plutôt augmenter encore et encore, compte tenu de la demande mondiale et tout ça. Et je tombe un jour sur Très peu d'experts avaient prévu cette chute des cours. Que s'est-il donc passé? Et donc là, je suis parti en quête de me dire, mais comment se fait-il? Effectivement, il y a une demande mondiale. À l'époque, c'était pas formidable, mais enfin, il y avait quand même une demande mondiale qui augmentait. Et donc, j'ai cherché à comprendre les raisons pour lesquelles ce baril de pétrole chutait. Parce que depuis des décennies, on nous promettait un fameux peak oil, c'est-à-dire la date à partir de laquelle on aurait épuisé les ressources pétrolières. Le compte à rebours. Le compte à rebours. Et le spectre de la fin du pétrole arrivait. Il allait falloir qu'on s'habitue à vivre sans pétrole. Et je me rends compte que pas du tout. C'est pas ça qui se passe. Et là, je me suis dit, ça mérite peut-être un film. Je vais essayer d'aller creuser sur ce qui s'est joué là en 2014. Pourquoi? Et je me suis renseigné, effectivement, peu d'experts avaient prévu cette chute. Ouais. Alors, il y a une différence profonde entre peu d'experts et pas d'experts. Peu d'experts supposent que vous allez en rencontrer quelques-uns qui vont vous dire, bah si, nous, on avait dit que... Alors, en effet, au gré de mes rencontres, je vois un jeune analyste des marchés pétroliers, Alexandre Andlauer, qui me dit, mais moi, il se trouve que j'étais aux États-Unis entre 2012 et 2014, et j'ai été le témoin d'une ruée vers l'or, quoi. Ah, je dis, ah bon Vers l'or noir, bien sûr. Vers l'or noir, et c'est là qu'il commence à me raconter le boom du pétrole de schiste aux États-Unis. Et là, moi, je débarque un peu. On avait beaucoup parlé du gaz de schiste, un peu moins du pétrole de schiste. Et là, j'ai tiré le fil en essayant de comprendre pourquoi et comment on en était venu à exploiter ce pétrole de schiste. Et là, j'ai découvert l'ensemble de l'histoire, c'est-à-dire je suis revenu au début des années 2000. Et j'ai suivi les événements, la chronique du pétrole, là, sur cette décennie des années 2000, cette explosion des prix, parce que faut bien se rendre compte que on passe de à peu près $30 le baril au début des années 2000 à $140 en 2007-2008, juste avant la crise. La crise de 2008. Parce que surplombe, à ce moment-là, le peak oil. On se dit, c'est la fin, et donc il faut... Oui, et puis il y a aussi plein d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. La demande chinoise qui explose. Et puis, la mainmise des marchés financiers. Là, on est en pleine spéculation. Et là, les traders, les gens de Wall Street, se disent, mais c'est parfait, ça, on va c'est pouvoir pain spéculer. Béni. Pain béni, on va pouvoir spéculer sur les marchés à terme. Un incroyable projet va naître dans la tête des ingénieurs et des businessmen américains. Exploiter les immenses réserves de gaz et de pétrole dits de schiste. Alors que le pétrole conventionnel se trouve dans des gisements facilement accessibles, le pétrole de schiste est piégé dans une roche tellement dense qu'il faut la fracturer pour l'extraire. Une technologie très coûteuse. Mais avec un prix du baril à plus de $100, l'affaire deviendrait rentable. Alors, vous avez prononcé un mot qui n'est pas forcément familier à tout le monde, le pétrole de schiste. Effectivement, si on a bien entendu parler, j'en crépus, du gaz de schiste, le pétrole, ça l'est moins, à telle preuve que peu d'analystes spécialistes dans le domaine du pétrole ont suivi eux-mêmes le dossier. Pourriez-vous, en quelques mots scientifiques, mais populaires, bien sentis, nous raconter un peu de quoi ça cause? Alors, en fait, on parle effectivement de gaz et de pétrole de schiste, parce qu'il y a les deux, en fait. Et c'est un, pour parler du pétrole, donc c'est un pétrole qui est difficile à extraire parce que il est dans la roche mère, hein, l'expression juste, ça serait pétrole de roche mère, donc qui est très bas dans le sous-sol. Et pour extraire ce fameux pétrole, on va prendre l'image d'un gâteau au chocolat où il y aurait des petites pépites de chocolat. Je vous écoute avec attention. Voilà. Tout l'enjeu, c'est d'aller récupérer les petites pépites de chocolat. Donc, pour aller récupérer les petites pépites de chocolat... Qui sont donc pas au-dessus. Qui sont dans le gâteau. Oui. Faut donc éplucher le gâteau, le détruire un peu et d'aller chercher les petites pépites de chocolat. Bah, le pétrole schiste, c'est un peu ça. Ça veut en dire plus sale, peut-être. Alors, compris. Ça, pour le coup, oui. Ça veut dire qu'il faut fracturer la roche, donc injecter beaucoup d'eau, de sable, de produits chimiques, et donc de fracturer cette roche pour aller y chercher ce pétrole niché ici ou là dans la roche. Pour aller peut-être ou pour aller sûrement, je veux dire par là, est-ce que quand on fracture, on sait d'avance qu'inévitablement on trouvera ? Oui. Oui. Oui, on fait des analyses et maintenant il y a les outils et les moyens de savoir qu'à tel endroit... De voir à travers la roche. Voilà. Et c'est là qu'aux États-Unis, on a vu que dans le bassin de Permien, donc à l'ouest du Texas, il y avait des réserves absolument gigantesques. On connaissait ça. Simplement, on ne l'exploitait pas parce que c'était beaucoup trop cher. Il fallait un baril de pétrole, justement, à $140. Et quand le baril est arrivé à ce prix-là, après spéculation, demande chinoise, tous ces facteurs qui ont joué pour que le baril du pétrole atteigne ce prix-là, là, les ingénieurs, les businessmen, les gens qui se disent « mais là, c'est peut-être rentable d'exploiter ce pétrole de schiste qu'on a en quantité astronomique dans nos sous-sols ». Donc, c'était dans le Dakota, au Texas, et là, il a commencé à y avoir des premiers essais. Et avec un baril à $140, c'était rentable. Il y a un autre facteur que vous rappelez, Jean Crépu, dans votre documentaire, La face cachée du brut, c'est le facteur, bien évidemment, géopolitique internationale. Se mettent dans ce dossier les relations d'après-guerre entre États-Unis et Arabie Saoudite, relations qui, d'une certaine manière, ne vont pas exploser, mais vont être... soumise à forte turbulence après le 11 septembre 2001, quand on sait qu'une majeure partie du commando frappant les tours du World Trade Center sont d'origine saoudienne. Est-ce que, dans quelle mesure cet élément-là va jouer peu ou prou dans cette réappropriation de la fabrication du pétrole et de la matière première ? Alors, je pense qu'il y a eu beaucoup de facteurs qui ont joué, mais sans aucun doute, ce qui s'est passé avec les attentats du World Trade Center, tout ça a fait que les Américains se sont dit « il faut que d'une façon ou d'une autre, on puisse sortir un petit peu de cette dépendance ». On est avant Trump, là. Hein. On est bien avant Trump. On est avec Bush. Et à l'époque... Donc, on est bien avance l'exploitation de ce pétrole de schiste qui a rendu les États-Unis moins dépendants, mais là, on n'y est pas du tout. Et les États-Unis sont à la fois un gros producteur de pétrole, mais le plus gros consommateur de pétrole du monde. Donc, il faut qu'ils importent beaucoup de pétrole. Et depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a un accord qui est passé, qui s'appelle qui est même un pacte entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis, le fameux pacte de Quincy, signé à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Vous le dites à la française, mais pour les anglophones, c'est Quincy, bien sûr. Absolument. Et là, il y a un pacte qui lie les États-Unis aux Saoudiens, où d'une part, les Saoudiens vont assurer l'approvisionnement en pétrole pour les États-Unis, et en contrepartie, les États-Unis vont assurer la sécurité du royaume saoudien. Donc tout ça fonctionne très bien, mais au début des années 2000, la confiance des Américains dans ce qui se passe au Moyen-Orient, et notamment de l'implication de Saoudiens, forcément ça joue. Dont Ben Laden himself. Absolument. Oui, il faut se rappeler que Ben Laden est quand même de nationalité saoudienne. Donc tout concourt à ce que les États-Unis se disent « il faut diversifier nos sources d'approvisionnement ». Alors, la guerre en Irak, même si dans le film je dis qu'effectivement ça a compté, le fait que l'intervention américaine en Irak, l'aspect pétrole n'était pas étranger à deuxième cette intervention. Deuxième pays derrière l'Arabie Saoudite. Et oui, troisième. Parce qu'il y a la Russie quand même. Mais je pense que ça a joué quand même aussi. Et donc là, on voit bien que de la part des Américains, il y a une stratégie pour diversifier ces approvisionnements. Ils n'ont plus totalement confiance. Et entre-temps, le baril explose, le prix du baril explose. Et donc, avec un prix du baril qui dépasse les $100, là, effectivement, il y a une vraie chance pour les Américains d'assurer un approvisionnement maison et donc de produire ce fameux pétrole de schiste. Le bassin permien au cœur du Texas est un véritable Eldorado de pétrole, avec des réserves estimées à 35 milliards de barils. Depuis 1923, avec la découverte des premiers gisements, Midland, la ville d'origine de George Bush, vit au rythme des cours du brut. Jean Crépu, vous nous expliquez que ce dossier du pétrole, qui sera le cœur de votre documentaire que l'on pourra voir dimanche soir sur RTS2, La face cachée du brut, ou coup de poker plus exactement sur le brut, c'est un sujet que vous aviez en tête depuis un certain temps, mais par où le prendre, comment l'aborder, comment l'écrire, et puis finalement quelque chose se met à s'éclairer au travers notamment de cette nouveauté, de cette innovation qu'est le pétrole de schiste, également des contre-analystes qui d'une certaine manière vont à l'inverse de la doxa et auxquels l'histoire finit par donner raison. Est-ce que à partir de ça vous commencez à avoir l'écriture qui se précise, ou est-ce que avant de passer véritablement à l'écriture et au tournage, il y a encore du temps? Il y a encore du temps parce qu'on essaye de comprendre aussi, j'essaye de comprendre aussi quelles sont les implications géopolitiques. Qu'est-ce que c'est un peu cette exploitation du pétrole de schiste? C'était énorme quand même dans ce marché pétrolier mondial. C'est des plaques tectoniques qui bougent. C'est-à-dire que les États-Unis vont devenir assez vite des exportateurs. Ils vont redevenir des exportateurs de pétrole. Ce qu'ils n'étaient plus parce que ils consommaient tellement que le pétrole qu'ils produisaient, ils le gardaient pour eux et ils en importaient parce qu'ils en ont énormément besoin. Et là, les États-Unis redeviennent un acteur majeur. Et donc, forcément, ça a des conséquences sur le marché mondial, mais ça a des conséquences aussi géopolitiques. L'OPEP, le fameux cartel des pays exportateurs de pétrole, qui régnait en maître depuis sa création, c'est-à-dire de cette capacité de pouvoir réguler, couper les robinets, ouvrir les robinets et donc réguler le prix. D'un mot d'ailleurs, rappeler, pardon de vous interrompre, mais les pays qui constituent ce cartel de l'OPEP. Alors, l'OPEP, c'est avant tout, évidemment, l'Arabie Saoudite, qui est le plus gros producteur mondial de pétrole, mais c'est aussi l'Iran, l'Irak, le Koweït. La Russie ne fait pas partie de l'OPEP. Et c'est là qu'on va voir... Le Venezuela. Le Venezuela, qui est un des membres fondateurs, d'ailleurs, de l'OPEP. Et là, on va voir que les cartes sont redistribuées. Pour l'OPEP, c'est un coup de surprise. Pour l'OPEP, les Saoudiens n'ont rien vu venir. Ils n'ont rien vu venir. Les Saoudiens se sont dit, OK, les Américains produisent du pétrole de schiste, mais ils ont besoin d'un prix du baril fort parce que c'est un pétrole cher à extraire. Donc nous, on va ouvrir à fond les robinets pour faire chuter les cours. Et ils avaient misé sur le fait que à $70, les Américains arrêteraient parce que ça serait plus rentable. Et c'est pas ça qui s'est passé. Les Américains, effectivement, ont absorbé le choc, c'est-à-dire le cours du pétrole descendait, mais les Américains, ils ont une capacité de résilience énorme, ils ont fait des progrès technologiques, ils ont coupé dans les coûts de production et tout ça, et ils sont arrivés avec un cours à $40 le baril, le pétrole de schiste était rentable. Jean Crépu, pour qu'on situe bien cette histoire qui s'est déroulée d'une certaine manière sous nos yeux, mais auquel nous n'avons pas forcément été attentifs, on est là dans quelles années, dans quelles tranches? Alors tout ça se joue entre 2014 et 2016. C'est hier matin. Et donc, en quelques mois, le cours du baril chute de 70%. C'est-à-dire qu'on passe de $110 le baril environ en 2013-2014 à $30 le baril fin 2015 ou début 2016. Écoutons la radio ou regardant la télévision, est-ce qu'on a l'explication de la chute ? Alors, pas trop, justement. C'est ça qui est intéressant. C'est que, visiblement, on a du mal, enfin, les observateurs... On l'observe comme un hochet qui monte et descend. Oui, on se dit, bon, c'est les aléas du marché pétrolier. On a déjà vu ça, voilà. On a du mal à... Il faut un certain temps pour que les observateurs se rendent compte de ce qui se passe réellement et de l'impact de cette exploitation du pétrole de schiste. Alors, on a beaucoup parlé du pétrole de schiste ou du gaz de schiste en termes écologiques et des dégâts que ça pouvait faire, parce que c'est pas sans conséquence l'exploitation de ce pétrole. Mais d'un point de vue économique, on comprenait pas bien. Et là, c'est joué, c'est pour ça d'où le titre, c'est joué une vraie partie de poker, c'est-à-dire les Saoudiens misant sur le fait que les Américains les mettent un genou à terre parce que ils pourraient plus suivre, ce serait... Et c'est pas ça qui s'est passé, donc ça a obligé les Saoudiens et donc l'OPEP de couper les vannes et d'aller chercher les Russes à leur rescousse. Nous reviendrons sur... les Russes, entre autres, dans la suite de cet entretien que nous aurons demain, Jean Crépu, mais restons encore un moment sur la myopie vis-à-vis de ce phénomène. Quand on regarde votre documentaire, ce que j'ai fait, on s'aperçoit qu'il y a quand même un grand nombre d'intermédiaires. Vous en avez rencontré quelques-uns, je reviendrai notamment sur une qui m'a fait quelque peu pouffer. Ces gens-là, de prime abord, et ne serait-ce que parce qu'ils sont extrêmement intéressés, au sens propre du terme, par le dossier, propre et figuré d'ailleurs, forcément pourraient être considérés comme des vigies, des gens très attentifs, capables de voir et de traduire l'événement. Or, il semble là, d'après ce que vous nous dites, que les gens passent à côté, ne s'expliquent pas. Alors c'est quoi ? C'est un manque de raisonnement ? C'est un manque de lucidité ? Un manque d'intelligence ? C'est un confort intellectuel ? Il faut tenir compte du fait que le marché pétrolier est un marché qui a sa part d'opacité. Enfin, on ne saisit pas forcément tous les mécanismes et les enjeux sous-jacents, le marché pétrolier au quotidien, puisque moi je me suis plongé là-dedans donc tous les matins, même si j'ai aucune action dans les sociétés pétrolières, tous les matins je regardais le cours du baril. Votre café avait un sale goût alors. J'étais inquiet quand moi je voulais plutôt que ça baisse pour que ça servait plutôt à mon film. Donc j'avais aucun intérêt financier, mais enfin chaque matin je regardais les cours. Pourvu que ça baisse. Les cours du baril. Et on se rend bien compte de la volatilité de ce marché, parce que ça, c'est une caractéristique, et ça n'a pas beaucoup changé, d'ailleurs. Il faut bien se mettre dans la tête que, sur cette cotation du baril de pétrole, ce n'est pas le pétrole physique et les échanges du pétrole physique qui forment le cours du baril. Mais ce qu'on appelle le marché papier, c'est-à-dire les contrats à terme. Donc, c'est du virtuel. Traduisez-moi ça. Alors, En regardant bien le micro, parce que sinon je vous perds. Les contrats à terme, ce sont effectivement, mais ça on retrouve ça dans tous les marchés de matières premières. C'est ce qui a provoqué tout ce jeu spéculatif dans les années 2000. C'est-à-dire les marchés financiers s'échangent des contrats à terme, on s'en fiche de savoir si le pétrole sera livré ou pas. C'est tous ces échanges de contrats à terme, à livraison de telle date, qui s'échangent. Mais sans forcément qu'il y ait livraison, qu'il y ait ce fameux pétrole physique sans qu'il soit vraiment là. Ce sont des échanges de contrats, de papiers. Promesses, des accords. Ce sont des accords, c'est-à-dire, on achète un contrat de pétrole livré à telle date, de telle qualité et tout ça. Mais ce contrat-là, on va l'échanger, on va le faire circuler, c'est la part de spéculation, mais c'est aussi l'essence même des marchés à terme, hein, qui permettait aux producteurs de s'assurer des risques de variation des prix. Donc au départ, c'était plutôt une bonne idée. Sauf que quand il y a une partie des acteurs, c'est-à-dire ces acteurs financiers, c'est-à-dire ce sont des gens, ils ont jamais vu une goutte de pétrole. Quand ces gens-là représentent 80% du marché... Il y a les effets pervers. C'est raconté dans le film par Loïc Le Floch-Prigent, qui raconte dans les années 2000 Il disait, un pauvre industriel comme moi ne comprenait rien à ces échanges où le prix faisait, je sais plus comment il appelle ça, faisait la calipette ou la, j'ai plus c'est le terme exact, mais où on voyait le prix sans qu'il y ait une goutte de pétrole d'échanger. Les loups de Wall Street vont entrer dans la danse. Les grandes banques américaines se prennent de passion pour l'or noir, devenu un formidable produit financier. Moi, mon expérience dans le trading, c'est le pétrole. Mais à l'époque, dans la salle de trading chez Morgan Stanley, on faisait du trading de toutes les matières premières. Tout ce marché était en plein boom et la demande de pétrole dans le monde entier était fantastique. C'était merveilleux. Quand le prix du baril était au-dessus de 100 dollars, c'était fou. C'était trop excitant. Il montait, puis il descendait pour remonter plus haut encore. Et vous faisiez beaucoup d'argent ? Oui, on faisait beaucoup d'argent. Il y avait de nouveaux acteurs sur le marché et ça créait plus d'opportunités. Jean-Claude, puis vous avez rencontré un certain nombre d'analystes, il faudrait que vous nous indiquiez peut-être les profils, mais il y en a une notamment, c'est d'elle dont je voulais parler, qui est tout à fait exemplaire. Et quand on la regarde, on est partagé entre, voici une personne certes charmante, mais totalement inconsciente, ou alors qui atteint le Nobel de la niaiserie à un point irrecevable. Est-ce qu'elle appartient, cette jeune femme, a un profil assez courant dans le domaine des analystes, ou est-ce que elle, et vous avez été assez pervers pour le faire, c'est vraiment un cas à part et vous êtes tombé sur la perle? Oh, non, je crois pas que ce soit un cas à part. Je crois qu'elle relate l'expérience qui a été la sienne sur le trading floor de chez Morgan Stanley à l'époque. C'est les loups de Wall Street de Scorsese. Du film de Scorsese. C'est quand elle dit c'était très excitant de voir ce prix monter, descendre un peu et remonter encore plus fort. Elle le revit. Hein, oui, je crois qu'ils ont ces gens-là ont été sur une autre planète. Ces gens-là ont été sur une autre planète. Le marché du pétrole à l'époque, c'était un truc de fou. Quand ça atteint 140 dollars le baril, c'est des sommes colossales qui sont en jeu, on gagne des sommes colossales. Elle le dit d'ailleurs, on faisait beaucoup d'argent. Donc voilà, les traders qui étaient à l'époque, ils revivront peut-être jamais ça. Voilà, alors... Mais c'est quand même hors sol et très déconnecté du reste du monde. Quoi. Complètement. Au-delà de l'avidité personnelle qu'on peut tout à fait considérer comme moteur, mais c'est vraiment étrangement déconnecté. Ça, je pense que ça n'a pas disparu. Hein. Ah bon? J'étais en train de me rassurer, mais non. Les acteurs du marché, quand je parlais tout à l'heure de volatilité, les opérateurs qui sont sur ces marchés à terme, ils s'en fichent de savoir si le baril va sans cesse monter ou sans cesse descendre. La seule chose qui les intéresse, c'est que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et plus les mouvements sont fréquents, plus ils gagnent de l'argent. Donc cette volatilité, non seulement elle n'a pas disparu, mais elle est tout aussi néfaste qu'avant. Hein. Et qui plus est, non répréhensible par la loi. Alors Jean Crépu, on va s'arrêter là, puisqu'on va se retrouver demain pour la suite de cet entretien. Je rappelle le titre de votre documentaire. Ça s'appelle... faites-le vous d'ailleurs, je veux pas faire tout le travail moi. Comment il s'appelle votre documentaire? Alors ça s'appelle Coup de poker sur le brut, et ça m'a beaucoup amusé ce titre, j'avais l'impression de faire un polar. Un les titres, ouais, des polars. Ou un western. Oui, un western, voilà, c'est ce que j'aurais bien aimé. Coup de poker sur le brut, c'est à voir dimanche soir sur RTS2, Jean Crépu, bonne fin de journée et à demain. Et demain, vendredi, Histoire vivante est à lire dans La Liberté. Alors que les États-Unis misent à fond sur le pétrole de schiste, la Suisse délaisse ses hydrocarbures pour des motifs tant écologiques qu'économiques. Mais il fut un temps où elle rêvait d'or noir, multipliant les forages sur le plateau et dans le Jura. Quand la Suisse cherchait du pétrole, un dossier à découvrir ce vendredi dans La Liberté.